dans Amour. À Madame X, en lui envoyant une pensée. Au temps où vous m'aimiez, bien sûr, vous m'envoyâtes, fraîche et close, une chère petite rose, frais emblème, message pur. Elle disait en son langage les serments du premier amour. Votre cœur à moi pour toujours et toutes les choses d'usage. 3 ans sont passés, nous voilà. Mais moi j'ai gardé la mémoire de votre rose et c'est ma gloire de penser encore à cela. Hélas, si j'ai la souvenance, je n'ai plus la fleur ni le cœur. Elle est aux 4 vents, la fleur. Le cœur, mais voici que j'y pense, fut-il mien jamais? Entre nous. Moi, le mien bat toujours le même, il est toujours simple, un emblème à mon tour. Dites, voulez-vous que, tout pesé, je vous envoie, triste c'est l'âme, mais c'est ainsi, cette pauvre négresse-ci? Elle n'est pas couleur de joie, mais elle est couleur de mon cœur. Je l'ai cueillie à quelque fente du pavé captif que j'arpente en ce lieu de juste douleur. A-t-elle besoin d'autre preuve? Acceptez-la pour le plaisir. J'ai tant fait que de la cueillir, et c'est presque une fleur des veuves.